Section 20 de Les Natchez par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jehan. Deuxième partie. Suite. Le jongleur repoussa vivement cette attaque. Soit qu'il crût ou ne crût pas au fantôme, il lui importait de défendre son art et de soutenir l'honneur des prêtres. Les Yazoos, les Miami et une partie des Natchez combattirent à leur tour la vie des Chickasaw et d'Ondouré. Tous les guerriers parlaient à la fois. Des contradictions, on en vint aux insultes. Les conjurés se levaient, se rasseyaient, criaient, se saisissaient les uns les autres par le manteau, se menaçaient du geste, des regards et de la voix. Enfin, un sachem Yazoo, renommé parmi les sauvages, parvint à se faire écouter. Il combattit la vie des Chickasaw. Il soutint d'abord qu'il était possible qu'avant l'enlèvement d'une partie de la gerbe, il y eût déjà erreur, ou dans le nombre des roseaux aux Natchez, ou dans celui des roseaux placés chez les autres nations, qu'ainsi rien ne prouvait que la vengeance pût être exécutée partout le même jour. Ensuite, il ajouta que la disparition des 8 roseaux dans le temple des Natchez était certainement un effet de la volonté des génies, que cette même volonté aurait aussi retiré le même nombre de roseaux chez tous les peuples conjurés, et que par conséquent l'extermination aurait lieu partout le même jour. À ces raisons politiques et religieuses, le chef des Yazoos joignit une raison d'intérêt qui, faisant varier les Chickasaw, fixa l'opinion du conseil. Des pirogues chargées de grandes richesses pour les blancs du haut fleuve se sont, dit le sachem, arrêtées au fort Rosalie. Elles n'y resteront que quelques jours. Si nous exterminons les Français avant le départ de ces pirogues, nous nous emparerons de ce trésor. Les Chickasaw, dont la cupidité était connue de tous les Indiens, feignirent d'être convaincus par l'éloquence du Yazoo. Ils ne l'étaient que par leur avarice. Ils revinrent à l'avis d'exécuter le plan arrêté dans la nuit où serait brûlé le dernier des 3 roseaux restés sous l'autel. L'immense majorité du conseil adopta cette résolution. On convint de continuer les grands jeux comme si Chactas n'était pas mort et comme si le jour de l'exécution n'était pas avancé. On convint encore de n'instruire les jeunes guerriers de la conjuration que quelques heures avant le massacre. Ces délibérations prises, l'assemblée se sépara. Outagamis sortit du conseil avec une espèce de joie. En traversant les forêts au milieu de la nuit pour retourner à la cabane Tchelouta, il se disait « Si René n'arrive pas dans 3 jours, il est sauvé ». Mais bientôt, il vint à penser que si René revenait avant l'expiration de ces 3 jours, l'heure de sa mort serait considérablement avancée, et que l'on aurait 8 jours de moins pour profiter des chances favorables. Le jeune sauvage se mit alors à compter le peu de moments que le frère d'Amélie avait peut-être à passer sur la terre. La nouvelle détermination du conseil avait forcé ses idées de se fixer sur un objet affreux. Elle avait ravivé ses blessures. Elle avait fait sortir son âme de l'engourdissement de la douleur. Le désespoir d'Outagamis lui arracha des cris épouvantables. Les échos répétèrent ses cris, et les Natchez, qui les entendirent, crurent ouïr le dernier soupir de la patrie. Tchelouta reconnut la voix de son frère. Elle sort précipitamment de son foyer, elle court dans les bois, elle appelle l'ami de René, elle le suit au cri de sa douleur. « Qui m'appelle ?» dit Outagamis. « C'est ta sœur, » répond Tchelouta. Tchelouta, dit Outagamis, s'approchant d'elle. Si c'est toi, Tchelouta, oh, que tu es malheureuse. René est-il mort? S'écria Tchelouta en arrivant à son frère. Non, repartit Outagamis, mais l'heure de sa mort est avancée. C'est dans 3 jours, le jour fatal. Dans 3 jours, c'en est fait de René, de moi, de toi, de toute la terre. À peine avait-il prononcé ces mots que Tchelouta, d'une voix extraordinaire et étouffée, murmura ces mots « C'est moi qui le tue ». Par les paroles de son frère, Tchelouta avait tout à coup compris l'autre conséquence de l'anticipation du jour du massacre. En effet, si René, au lieu de prolonger son absence, reparaissait tout à coup aux Natchez, c'était sa femme alors qui, au lieu de le sauver par l'enlèvement des roseaux, aurait précipité sa perte. Longtemps, Tchelouta, affaissé par la douleur, fit de vains efforts pour parler. Enfin, la voix s'échappant en sanglots du fond de sa poitrine, « C'est moi qui ai dérobé les roseaux !»« Malheureuse !» s'écrie son frère. « C'est toi, toi, sacrilège, parjure, homicide !»« Oui !» reprit Tchelouta désespéré. « C'est moi, moi qui ai tout fait. Punis-moi, dérobe-moi pour jamais à la lumière du jour. Rends-moi ce service fraternel. Les tourments de ma vie sont maintenant au-dessus de mon courage. » Outougamiz, anéanti, s'appuyait contre le tronc d'un arbre. Il ne parlait plus. Sa douleur le submergeait. Il rompt enfin le silence. « Ma sœur, dit-il, vous êtes très malheureuse, plus malheureuse que moi. » Tchelouta restait muette comme le rocher. Outougamiz reprit « Vous êtes obligée en conscience d'être une seconde fois par jure, de révéler le secret à René. Ce secret est maintenant le vôtre, c'est vous qui assassinez mon ami. Mais je dois aussi vous dire une chose, c'est que moi me voilà forcée d'avertir les Sachem. Vous ne voulez pas que je sois votre complice, que je trahisse mon serment. » Outougamiz s'arrêta un moment après ces mots, puis ajouta « Oui, c'est là notre devoir à tous deux. Dites le secret à René quand René reviendra. Moi, je dirai votre secret au Sachem. Si mon ami a le temps de se sauver, ma joie sera comme celle du ciel. Mais soyez prompte, car il faut que je révèle ce que vous allez faire. » Le simple et sublime jeune homme s'éloigna. Ondouré était revenu du conseil, l'esprit agité. La majorité de l'assemblée s'était prononcée contre son opinion. Le crime perdait aux yeux de cet homme la plus grande partie de son charme si René n'était enveloppé dans le massacre, et si Tchelouta n'était le prix du forfait. Il résolut de se rendre à la demeure de cette femme, que tout semblait abandonner jusqu'à Outougamiz lui-même. Peut-être Tchelouta avait-elle reçu quelques nouvelles de René, peut-être était-ce cette épouse ingénieuse et fidèle qui avait dérobé les roseaux du temple. Il importait au tuteur du soleil de s'éclairer sur ces deux points. Il arriva à la cabane Tchelouta au moment où la sœur d'Outougamiz venait d'en sortir, attirée au dehors par les cris de son frère. L'intérieur de la hutte était à peine éclairé par une lampe suspendue au foyer. Ondouré visita tous les coins de cet asile de la douleur. Il ne trouva personne, excepté la fille de René, qui dormait dans un berceau auprès du lit de sa mère, et qu'il fut tenté de plonger dans un éternel sommeil. La couche de la veuve et de l'enfant, au lieu d'appeler dans le cœur du monstre la pitié et le remords, n'y réveilla que les feux de l'amour et de la jalousie. Ondouré sentit une flamme rapide courir dans la moelle de ses os. Ses yeux se chargèrent de volupté, ses sens s'embrasèrent, l'obscurité, la solitude et le silence sollicitaient le désir. Ondouré se précipite sur la couche pudique de Tchelouta et lui prodigue les embrassements et les caresses. Il y cherche l'empreinte des grâces d'une femme. Il y colle ses lèvres avides et couvre de baisers ardents les plis du voile qui avait pu toucher ou la bouche ou le sein de la beauté. Dans sa frénésie, il jure qu'il périra ou qu'il obtiendra la réalité des plaisirs, dont la seule image allume le désir des passions dans son âme. Mais Tchelouta, qui pleure au fond des bois avec son frère, ne reparaît pas, et Ondouré, dont tous les moments sont comptés, est obligé de quitter la cabane. Une femme, ou plutôt un spectre, s'avance vers lui. À peine eut-il quitté le toit souillé de sa présence, qu'il se trouve face à face d'Akansi. « J'ai trop longtemps, dit la mère du jeune soleil, j'ai trop longtemps supporté mes tourments. Lorsque, après avoir appris ta visite à ma rivale, je t'ai ordonné de comparaître devant moi, tu ne m'as pas obéi. Je te retrouve sortant encore de ce lieu où tes pas et les miens sont enchaînés par Atahansik. Misérable, je ne t'adresse plus de reproches. L'amour s'éteint dans mon cœur. Tu es au-dessous du mépris. Mais j'ai des crimes à expier, une vengeance à satisfaire. Je t'en ai prévenu, je vais me dénoncer au Sachem et te dénoncer avec moi. Tes complots, tes forfaits, les miens, vont être révélés. Justice sera faite pour tous. » Ondouré fut d'autant plus effrayé de ces paroles qu'à la lumière du jour naissant, il n'aperçut point sur le visage d'Akansi cette langueur qui lui apprenait autrefois combien la femme jalouse était encore amante. Il n'y avait que sécheresse et désespoir dans l'expression des traits d'Akansi. Ondouré prend aussitôt son parti. Non loin de la cabane Tchelouta était un marais, repère impur des serpents. Ondouré affecte un violent repentir, il feint d'adorer celle qu'il n'a jamais aimée, il l'entoure de ses bras suppliants, la conjure de l'écouter. Akansi se débat entre les bras du scélérat, l'accable de ses reproches que la passion trahie, que le mépris longtemps contenu savent si bien trouver. « Si vous ne voulez pas m'entendre, s'écrie le tuteur du soleil, je vais me donner la mort. » Akansi était bien criminel, mais elle avait tant aimé. Il lui restait de cet amour une certaine complaisance involontaire. Elle se laisse entraîner vers le marais, prêtant l'oreille à des excuses qui ne la trompaient plus, mais qui la charmaient encore. Ondouré, toujours se justifiant et toujours marchant avec sa victime, la conduit dans un lieu écarté. Il affecte le langage de la passion, que son amante offensée daigne seulement lui sourire, et il va passer à ses pieds une vie de reconnaissance et d'adoration. Akansi sent expirer sa colère. Ondouré, feignant un transport d'amour, se prosterne devant son idole. Akansi se trouvait alors sur une étroite levée qui séparait des eaux stagnantes, où une multitude de serpents à sonnettes se jouaient avec leurs petits au dernier feu de l'automne. Ondouré embrasse les pieds d'Akansi, les attire à lui. L'infortuné tombe en arrière et roule dans l'onde empoisonnée. Elle y plonge de tout son poids. Les reptiles, dont le venin augmente de subtilité quand ils ont une famille à défendre, font entendre le bruit de mort. S'élançant tous à la fois, ils frappent de leur tête aplatie et de leurs dents creuses l'ennemi qui vient troubler leurs ébats maternels. La joie du crime rayonna sur le front d'Ondouré. Akansi, luttant contre un double trépas au milieu des serpents et de l'onde, s'écriait « Je l'ai bien mérité, homme affreux, couronne tes forfaits !» « Va immoler tes dernières victimes, mais sache que ton heure est aussi arrivée. »« Eh bien, » répondit l'infâme, jetant le masque, « oui, c'est moi qui te tue, parce que tu me voulais trahir. Meurs, tous mes forfaits sont les tiens. Je brave tes menaces. Désormais, il n'est plus de rémission pour moi. Mon dernier soupir sera pour un nouveau crime et pour un amour qui fait ton supplice. Tu n'auras pas la tête de Tchelouta, mais je lui prodiguerai les baisers que tu m'as permis de donner à cette tête charmante. » Ondouré, mugissant, comme s'il eût déjà habité l'enfer, abandonne la femme qui lui avait fait tous les sacrifices. Dieu fit sentir à l'instant même à se réprouver un avant-goût des vengeances éternelles. Quelques chasseurs se montrèrent sur la levée. Ils avaient reconnu le tuteur du soleil et s'avançaient rapidement vers lui. Akansi flottait encore sur les eaux. Il était impossible de la dérober à la vue des chasseurs. Ils allaient s'empresser de la secourir. Ne pouvait-elle pas conserver assez de vie pour parler quand elle serait déposée sur le rivage? L'effroi d'Ondouré glaça un moment son cœur, mais il revient bientôt à lui et se montra digne de son crime. Le moyen de tromper qu'il prit n'était pas complètement sûr, mais il était le seul qui lui resta à prendre. Il l'aurait du moins opposé à une accusation d'assassinat. Ondouré appelle donc les guerriers avec tous les signes du plus violent désespoir. « À moi ! » s'écriait-il. « Aidez-moi à sauver la femme chef qui vient de tomber dans cet abîme !» Et feignant de secourir Akansi, il essayait de lui plonger la tête dans l'eau. Les chasseurs se précipitent, écartent les serpents avec des branches de tamarin et retirent du marais la mère du jeune soleil. Elle ne donna dans le premier moment aucun signe de vie, mais bientôt quelques mouvements se manifestèrent, ses yeux s'ouvrirent, son regard fixe tomba sur Ondouré, qui recula trois pas comme sous l'œil du dieu vengeur. Des cris étouffés qui ressemblaient au râle de la mort s'échappèrent peu à peu du sein d'Akansi. Elle s'agite et rampe sur la terre. On eût dit des reptiles qui l'avaient frappée. Sa peau, par l'effet ordinaire de la morsure du serpent à sonnette, était marquée de taches noires, vertes et jaunes. Une teinte livide et luisante couvre ces taches comme le vernis couvre un tableau. Les doigts de la femme coupable étaient crevés. Une écume impure sortait de sa bouche. Les chasseurs contemplaient avec horreur le vice châtié de la main du grand esprit. Tchelouta, qui revenait des bois voisins et qui regagnait sa cabane par la levée du marais, fut un nouveau témoin envoyé du ciel à cette scène. À l'aspect de la femme punie, elle fut saisie d'une pitié profonde et lui prodigua des soins et des secours. Akansi, reconnaissant la généreuse indienne, fit des efforts extraordinaires pour parler. Mais sa langue enflée ne laissait sortir de sa bouche que des sons inarticulés. Lorsqu'elle s'aperçut qu'elle ne se pouvait faire entendre, le désespoir s'empara d'elle. Elle se roula sur la terre qu'elle mordait dans les convulsions de la mort. « Grand esprit !» s'écria Tchelouta, « accepte le repentir de cette pauvre femme. Pardonne-lui comme je lui pardonne, si jamais elle m'a offensée. » À cette prière, des espèces de larmes voulurent couler des yeux d'Akansi. Il se répandit sur son front une sérénité qui l'aurait embellie si quelque chose avait pu effacer l'horreur de ses traits. Ses lèvres ébauchèrent un sourire d'admiration et de gratitude. Elle expira sans douleur, mais en emportant le fatal secret. Ondouré, délivré de ses craintes, remercia intérieurement le ciel, épouvanté de sa reconnaissance. Tchelouta, reprenant le chemin de sa retraite, disait au soleil qui se levait « Soleil, tu viens de voir en deux matins la mort de Shaktas et celle d'Akansi. Rends la mienne semblable à la première. » Ondouré fit avertir les parents de la femme chef d'enlever le corps d'Akansi. Afin de ne pas effrayer l'imagination des conjurés par le spectacle d'une seconde pompe funèbre, les sachems décidèrent que les funérailles, qui ne devaient jamais être célébrées, n'auraient lieu qu'après le massacre. Devenu plus puissant que jamais par la mort de la femme chef, le tuteur du soleil, ne se souvenant ni d'avoir été aimé d'Akansi, ni de l'avoir assassiné, se rendit à la vallée des bois. Les jeux avaient recommencé. Outougamiz, par ordre des vieillards, s'était venu mêler à ces jeux. Quelques moments de réflexion lui avaient suffi pour le tranquilliser sur le pieux larcin de sa sœur. Il lui semblait moins nécessaire d'en instruire immédiatement le conseil, puisque René n'était pas arrivé et que Tchelouta ne pouvait confier le secret à René absent. En supposant même le retour du frère d'Amélie, Outougamiz avait une telle confiance dans la vertu de Tchelouta qu'il était sûr qu'elle se tairait, même après avoir rendu le secret plus fatal. Enfin, quand Outougamiz se hâterait de tout apprendre aux sachems, les sachems feraient peut-être mourir Tchelouta sans utilité pour personne, car le massacre n'en aurait pas moins lieu. Et qui pouvait dire s'il était bon ou mauvais que le jour de ce massacre fût retardé ou avancé pour le destin du guerrier blanc? Telles étaient les réflexions d'Outougamiz. Le frère et la sœur comptaient maintenant chaque heure écoulée. Ils regardaient si le soleil baissait à l'horizon, si l'éphémère qui sort des eaux à l'approche du soir commençait à voler dans les prairies. Ils se disaient « Encore un moment passé et René n'est pas revenu. Nos illusions sont sans terme. Détrompés mille fois par l'amertume du calice, nous y reportons sans cesse nos lèvres avides. » Les ennemis s'étant refusés à recevoir le calumet de paix, René avait renvoyé les guerriers porteurs des présents pour les Illinois. Il revenait seul au Natchez. Accablé du passé, n'espérant rien de l'avenir, insensible à tout, hors à la raison de Shaktas, à l'amitié d'Outougamiz et à la vertu de Tchelouta, il ne soupçonnait pas qu'on en voulût à sa vie. Ses ennemis étaient loin de savoir à leur tour à quel point il y tenait peu. Les Natchez l'accusaient de crimes imaginaires. Ils l'avaient condamné pour ses crimes. Il ne pensait pas plus aux Natchez qu'au reste du monde. Ses idées comme ses désirs habitaient une région inconnue. Un jour, dans la longue route qu'il avait à parcourir, il arriva à une grande prairie dépouillée d'arbres. On n'y voyait qu'une vieille épine couverte de fleurs tardives qui croissait sur le bord d'un chemin indien. Le soleil approchait de son couchant lorsque le frère d'Amélie parvint à cette épine. Résolu de passer la nuit dans ce lieu, il aperçut un gazon sur lequel étaient déposées des gerbes de maïs. Il reconnut la tombe d'un enfant et les présents maternels. Remerciant la Providence de l'avoir appelé au festin des morts, il s'assit entre deux grosses racines de l'épine, qui se tordaient au-dessus de la terre. La brise du soir soufflait par intervalles dans le feuillage de l'arbre. Elle en détachait les fleurs, et ces fleurs tombaient sur la tête de René en pluie argentée. Après avoir pris son repas, le voyageur s'endormit au champ du grillon. La mère, qui avait couché l'enfant sous l'herbe, au bord du chemin, vint à minuit apporter des dons nouveaux et humecter de son lait le gazon de la tombe. Elle crut distinguer une espèce d'ombre ou de fantôme étendue sur la terre. La frayeur la saisit, mais l'amour maternel plus fort que la frayeur l'empêche de reculer. S'avançant à pas silencieux vers l'objet inconnu, elle vit un jeune blanc qui dormait, la face tournée vers les étoiles, les bras jetés sur sa tête. L'Indienne se glisse à genoux jusqu'au chevet de l'étranger qu'elle prenait pour une divinité propice. Quelques insectes, voltigeant autour du front de René, elle les chassait doucement, dans la crainte de réveiller l'esprit et dans la crainte aussi d'éloigner l'âme de l'enfant qui pouvait errer autour du bon génie. La rosée descendait avec abondance, la mère étendit son voile sur ses deux bras et le soutint ainsi au-dessus de la tête de René. « Tu réchauffes, mon enfant, » disait-elle en elle-même, « il est juste que je te fasse un abri. » Quelques sons confus, et bientôt quelques paroles distinctes échappent aux lèvres du frère d'Amélie. Il rêvait de sa sœur. Les mots qu'il laissait tomber étaient tour à tour prononcés dans sa langue maternelle et dans la langue des sauvages. L'Indienne voulut profiter de cet oracle. Elle répondait à René à mesure qu'il murmurait quelque chose. Il s'établit entre elle et lui un dialogue. « Pourquoi m'as-tu quitté ?» dit René en Natchez. « Qui ?» demanda l'Indienne. René ne répondit point. « Je l'aime, » dit le frère d'Amélie un moment après. « Qui ?» dit encore l'Indienne. « La mort, » repartit René en français. Après un assez long silence, René dit « Est-ce là le corps que je portais ?» Et il ajouta d'une voix élevée « Les voici tous, Amélie, Tchelouta, Mila, Outougamiz, Chaktas, D'Artaguette. » René poussa un soupir, se tourna du côté du cœur et ne parla plus. Le bruit que l'Indienne fit malgré elle, en se voulant retirer, réveilla le frère d'Amélie. Il fut d'abord étonné de voir une femme à ses côtés, mais il comprit bientôt que c'était la mère de l'enfant dont il foulait le tombeau. Il lui imposa les mains, poussa les trois cris de douleur et lui dit « Pardonne-moi, j'ai mangé une partie de la nourriture de ton fils, mais j'étais voyageur et j'avais faim. Ton fils m'a donné l'hospitalité. » « Et moi, dit l'Indienne, je croyais que tu étais un génie, et je t'ai interrogé pendant ton sommeil. » « Que t'ai-je dit ? » demanda René. « Rien, repartit l'Indienne. » René s'était égaré, il s'enquit du chemin qu'il devait suivre. « Tu tournes le dos, Natchez, » répondit la femme sauvage. « En continuant à marcher vers le nord, tu n'y arriveras jamais. » Destinée de l'homme. Si René n'eût point rencontré cette femme, il se fût éloigné de plus en plus du lieu fatal. L'Indienne lui montra sa route et le quitta après lui avoir recommandé l'enfant qu'elle avait perdu. Il se leva enfin le jour qui devait être suivi d'une nuit si funeste. Tchelouta et son frère le passèrent à parcourir les bois, toujours dans la crainte d'y rencontrer René, toujours dans l'espoir de l'arrêter s'il le rencontrait, toujours regrettant Mila si légère dans sa course, si heureuse dans ses recherches. Le jeu des osselets, commencé après la partie de la balle, gagnée par les Natchez, avait continué dans la vallée des bois. Une heure avant le coucher du soleil, le sachem d'ordre se présente aux différents groupes des joueurs et dit à voix basse « Quittez le jeu, retournez à vos tentes, attendez-y le sachem de votre nation. » Les jeunes gens se regardent avec étonnement et, laissant tomber les osselets, se retirent. La nuit vint, le ciel se couvrit d'un voile épais, toutes les brises expirèrent, des ténèbres muettes et profondes enveloppèrent le désert. Après 1000 courses inutiles, Tchelouta était rentré dans sa cabane. Quelques heures de plus écoulées et René était mort ou sauvé. L'amante, qui tant de fois avait désiré le retour de son bien-aimé, l'épouse, qui si souvent s'était levée avec joie, croyant reconnaître les pas de son époux, tremblait à présent au moindre bruit et n'implorait que le silence. Naguère, Tchelouta eût donné tout son sang pour épargner la plus petite douleur au frère d'Amélie. Maintenant, elle eût béni un accident malheureux qui, sans être mortel, eût arrêté le guerrier blanc, loin des Natchez. Au fort Rosalie, on était loin d'être rassuré. Shepard seul s'obstinait à ne vouloir rien voir. De nouveaux courriers du gouverneur général, du capitaine d'Artaguette et du père Souel annonçaient l'existence d'un complot. Le conseil était rassemblé et le nègre Imlay, saisi dans les bois, avait été amené devant ce conseil. Les renseignements envoyés par le missionnaire étaient exacts et détaillés. Il désignait Ondouré comme chef de la conjuration. Imlay, interrogé, nia tout, hors ce qu'il ne pouvait nier, sa propre fuite. Il dit qu'il avait quitté son maître comme l'oiseau reprend sa liberté quand il trouve la porte de sa cage ouverte. Pressé par des questions insidieuses et certain qu'il était d'être condamné à mort, le nègre, au lieu de répondre, se prit à railler ses juges. Il répétait leurs gestes, affectait leur air, contrefaisait leur voix avec un talent d'imitation extraordinaire. Febriano, surtout, excitait sa verve comique. Et il fit du commandant une copie si ressemblante qu'un rire involontaire bouleversa le conseil. Shepard, furieux, ordonna d'appliquer l'esclave à la torture, ce qui fut sur-le-champ exécuté. L'Africain brava les tourments avec une constance héroïque, continuant ses moqueries au milieu des douleurs et ne laissant pas échapper un mot qui pût compromettre le secret des sauvages. On le retira de la gêne pour le réserver au gibet. Alors il se mit à chanter Iséphare, à rire, à tourner sur lui-même, à frapper des mains, à gambader malgré le disloquement de ses membres. Et tout à coup il tomba mort. Il s'était étouffé avec sa langue. genre de suicide connu de plusieurs peuplades africaines. Mélange de force et de légèreté, le caractère d'Imlay ne se démentit pas un moment. Ce noir n'aima que l'amour et la liberté. Il traita l'un et l'autre avec la même insouciance que la mort et la vie. Le commandant regarda l'aventure d'Imlay comme celle d'un esclave fugitif, qui n'avait aucun rapport avec les desseins qu'on supposait aux sauvages. Il traita les missionnaires de poltrons. Il accusa les colons de répandre inconsidérément des alarmes aussitôt qu'ils perdaient un nègre. Poussé par Febriano, vendu aux intérêts d'Ondouré, mais qui ignorait le complot, Chepa s'emporta jusqu'à faire mettre au fer des habitants qui demandaient à s'armer et parlaient de se retrancher sur les concessions. Il refusait de croire à une conjuration qui s'achevait en ce moment même sous ses pas dans le sein de la terre. Les jeunes guerriers, après avoir quitté les jeux, s'étaient armés. Le sachem d'ordre avait reparu. Heurtant doucement dans les ténèbres à la porte de chaque cabane, il avait dit « Que les jeunes guerriers se rendent par des chemins divers au lac souterrain. Ils y trouveront les sachems. Que les femmes, après le départ des guerriers, s'enferment dans leurs cabanes, qu'elles y veillent en silence et sans lumière. » Aussitôt, les jeunes guerriers se glissent à travers les ténèbres jusqu'au lieu du rendez-vous. Les portes des huttes se referment sur les femmes et sur les enfants. Les lumières s'éteignent, tous les sauvages quittent le désert, hors quelques sentinelles placées çà et là derrière les arbres. Outougamise, avec le reste de sa tribu, descendit au lac souterrain. À l'orient du grand village des Natchez, dans la même cyprière où s'élevait le temple d'Ata-Ansik, s'ouvre perpendiculairement, comme le soupirail d'une mine, une caverne profonde. On n'y peut pénétrer qu'à l'aide d'une échelle et d'un flambeau. À la profondeur de 100 pieds se trouve une grève qui borde un lac. Sur ce lac, semblable à celui de l'Empire des Ombres, quelques sauvages, pourvus de torches et de fanaux, eurent un jour l'audace de s'embarquer. Autour du gouffre, ils n'aperçurent que des rochers stériles, hérissant des côtes ténébreuses, ou suspendus en voûte au-dessus de l'abîme. Des bruits lamentables, d'effrayantes clameurs, d'affreux rugissements assourdissaient les navigateurs à mesure qu'ils s'enfonçaient dans ces solitudes d'eau et de nuit. Entraînés par un courant rapide et tumultueux, ce ne fut qu'après de longs efforts que ces audacieux mortels parvinrent à regagner le rivage, épouvantant de leur récit quiconque serait tenté d'imiter leur exemple. Tel était le lieu que les conjurés avaient fixé pour celui de leur assemblée. C'était de cette demeure souterraine que la liberté du Nouveau Monde devait s'élancer, qu'elle devait rappeler à la lumière du jour ces peuples ensevelis par les Européens dans les entrailles de la terre. Déjà les jeunes guerriers étaient réunis et attendaient la révélation du mystère que les sachems leur avaient promise. Au bord du lac était un grand fragment de rocher. Les jongleurs l'avaient transformé en autel. On y voyait, à la lueur d'une torche, 3 hideux marmousets de tailles inégales. Celui du centre, Manitou de la Liberté, surpassait les autres de toute la tête. Dans ses traits, grossièrement sculptés, on reconnaissait le symbole d'une indépendance rude, ennemie du joug des lois, impatiente même des chaînes de la nature. Les deux autres figures représentaient l'une les chairs rouges, l'autre les chairs blanches. Un feu d'ossements brûlait devant ces idoles en jetant une lumière enfumée et une odeur pénétrante. Du sang humain, des poisons exprimés de divers serpents, des herbes vénéneuses cueillies avec des paroles kabbalistiques remplissaient un vase de cyprès. Un vent nocturne se leva sur le lac, dont les flots montèrent aux voûtes de l'abîme. La tempête dans les flancs de la terre, les idoles menaçantes, le bassin de sang, le feu mortuaire, les prêtres agitant des vipères avec des évocations épouvantables, la foule des sauvages dans leurs habillements bizarres et divers, toute cette scène, entourée par les masses des rochers souterrains, donnait une idée du Tartare. Soudain, un des jongleurs, les bras tendus vers le lac, s'écrie « Divinité de la vengeance, est-ce toi qui sors de l'abîme avec cet orage ? Oui, tu viens, reçois nos vœux. » Le jongleur lance une vipère dans les flots. Un autre prêtre répand le bassin de sang sur le feu. Une triple nuit s'étend sous les voûtes. Quelques minutes s'écoulent dans l'obscurité, puis tout à coup, une vive clarté illumine les vagues orageuses et les rochers fantastiques. Les idoles ont disparu. On n'aperçoit plus sur la pierre, autel de la vengeance, que le vieillard Adario, vêtu de la tunique de guerre, appuyé d'une main sur son casse-tête, tenant de l'autre un flambeau. « Guerrier, dit-il, la liberté se lève. Le soleil de l'indépendance, resté depuis 250 neiges sous l'horizon, va éclairer de nouveau nos forêts. Jour sacré, salut. Mon cœur se réjouit à tes rayons, comme le chêne décrépit au premier sourire du printemps. Pour toi, Adario a dépouillé ses lambeaux. Il a lavé sa chevelure comme un jeune homme. Il renaît au souffle de la liberté. Donnez trois poignards. » Le sachem jette trois poignards du haut du roc. « Jeunes guerriers, vous n'êtes pas assemblés ici pour délibérer. Vos sachems ont prononcé pour vous au rocher du lac, dans le conseil général des peuples. Ils ont juré de purger nos déserts des brigands qui les infestent. Vous êtes venus seulement pour dévorer les ours étrangers. Le moment du festin est arrivé. Vous ne quitterez ces voûtes que pour marcher à la mort ou à la liberté. C'est la dernière fois que vous aurez été obligés de vous cacher dans les profondeurs de la terre pour parler le langage des hommes. Donnez la hache. » Adario jette à ses pieds une hache teinte de sang. Un cri de surprise, mêlé de joie, échappe au bouillant courage des jeunes guerriers. Adario reprend la parole. « Tout est réglé par vos pères. Plongés dans le sommeil, nos oppresseurs ne soupçonnent pas la mort. Nous allons sortir de cette caverne, divisés en trois compagnies. Je conduirai les Natchez et les mènerai, au travers des ombres, à l'escalade du fort. Vous, Chicasso, sous la conduite de vos sachems, vous formerez le second corps, vous attaquerez le village des Blancs au fort Rosalie. Vous, Miamis et Yazou, composant le troisième corps, guidés dans vos vengeances par Ondouré et par Outougamis, vous détruirez les Blancs dont les demeures sont dispersées dans les campagnes. Les esclaves noirs, qui, comme nous, vont briser leurs chaînes, seconderont nos efforts. Tels sont, ô jeunes guerriers, les devoirs que vous êtes appelés à remplir. Il ne s'agit pas de la cause particulière des Natchez. Le coup que vous allez porter sera répété dans un espace immense. À l'instant où je vous parle, 1000 nations, comme vous, cachées dans les cavernes, vont en sortir comme vous pour exterminer la race étrangère. Le reste des chairs rouges ne tardera pas à vous imiter. Quant à moi, je n'ai plus qu'un jour à vivre. La nuit prochaine, j'aurai rejoint Chactas, ma femme et mes enfants. Il ne m'a été permis de leur survivre que pour les venger. Je vous recommande, ma fille. » Il dit et jette son casse-tête au milieu des jeunes guerriers. Une acclamation générale ébranle les dômes funèbres. « Délivrons la patrie !» On vit alors un jeune guerrier monter sur la pierre auprès d'Adario. C'était Outougamis. Il dit « Vous avez voulu me faire tuer le guerrier blanc, mon ami. Il n'est point arrivé. Ainsi je ne le tuerai pas, mais je tuerai quiconque le tuera. Vous voulez que j'égorge des chevreuils étrangers pendant la nuit. Je n'assassinerai personne. Quand le jour sera venu, si l'on combat, je combattrai. J'avais promis le secret, je l'ai tenu. Dans quelques heures, la borne de mon serment sera passée, je serai libre. J'userai de ma liberté comme il me plaira. Guerrier, je ne sais point parler, parce que je n'ai point d'esprit. Mais si je suis comme un ramier timide pendant la paix, je suis comme un vautour pendant la guerre. Ondouré, c'est pour toi que je dis cela. Souviens-toi des paroles d'Outougamis le simple. » Outougamis saute en bas du rocher comme un plongeur qui se précipite dans les vagues. Quelque temps après, on le chercha et on ne le trouva plus. Ondouré n'avait remarqué du discours du frère de Tchelouta que le passage où le jeune homme s'était applaudi de l'absence de René. Le tuteur du soleil ressentait de cette absence les plus vives alarmes. Il se voyait au moment d'exécuter le dessein qu'il avait conçu sans atteindre le principal but de ce dessein. Tchelouta, en dérobant les roseaux, pouvait s'applaudir d'avoir obtenu ce qu'elle avait désiré, d'avoir sauvé son époux. Il n'y avait aucun moyen pour Ondouré de reculer la catastrophe. Et, comme dans toutes les choses humaines, il fallait prendre l'événement tel que le ciel l'avait fait. Les guerriers sortirent du lac souterrain et, cachés dans l'épaisseur de la cyprière, ils se divisèrent en trois corps. Assis à terre, dans le plus profond silence, ils attendirent l'ordre de la marche. Minuit approchait. Le dernier roseau allait être brûlé dans le temple. Que différemment occupé était Tchelouta dans sa cabane. Tressaillant au plus léger murmure des feuilles, les yeux constamment fixés sur la porte, comptant par les battements de son cœur toutes les minutes de cette dernière heure, elle n'aurait pu supporter longtemps de telles angoisses sans mourir. À force d'avoir écouté le silence, ce silence s'était rempli pour elle de bruits sinistres. Tantôt, elle croyait ouïr des voix lointaines. Tantôt, il lui semblait entendre des pas précipités. Mais n'est-ce point, en effet, des pas qui font retentir le sentier désert ? Ils approchent rapidement. Tchelouta ne peut plus se tromper. Elle se veut lever, les forces lui manquent. Elle reste enchaînée sur sa natte, le front couvert de sueur. Un homme paraît sur le seuil de la porte. Ce n'est pas René, c'est le bon grenadier de la Nouvelle-Orléans, le fils de la vieille hôtesse de Tchelouta, le soldat du capitaine d'Artaguette. Il apportait un billet écrit du poste d'Eyazou par son capitaine. Quel bonheur, quel soulagement, dans la crainte et l'attente d'une grande catastrophe, de voir entrer un ami au lieu de la victime ou de l'ennemi que l'on attendait. Tchelouta retrouve ses forces, se lève, court les bras ouverts au grenadier. Mais tout à coup, elle se souvient du péril général. René n'est pas le seul Français menacé. Tous les Blancs sont sous le poignard. Un moment encore, et Jacques peut être égorgé. « Fils de ma vieille mère de la chair blanche, s'écrie-t-elle, celui que vous cherchez n'est pas ici. Retournez vite sur vos pas, vous n'êtes pas en sûreté dans cette cabane. Au nom du grand esprit, retirez-vous. » Le grenadier n'entendait point ce qu'elle disait. Il lui montrait le billet qui n'était point pour René, mais pour elle-même. Tchelouta ne pouvait lire ce billet. Jacques et Tchelouta faisaient des gestes multipliés, tâchaient de se faire comprendre l'un de l'autre sans y pouvoir réussir. Dans ce moment, un sablier qui appartenait à René et avec lequel l'Indienne avait appris à diviser le temps laisse échapper le dernier grain de sable qui annonçait l'heure expirée. Tchelouta voit tomber dans l'éternité la minute fatale. Elle jette un cri, arrache le billet de la main de Jacques et pousse le soldat hors de sa cabane. Celui-ci, ayant rempli son message et ne se pouvant expliquer les manières extraordinaires de Tchelouta, court à travers les bois afin de gagner le fort Rosalie avant le lever du jour. Que contenait le billet du capitaine ? On l'a toujours ignoré. À force de regarder la lettre, de se souvenir des paroles et des gestes du soldat qui n'avait pas l'air triste, Tchelouta laisse pénétrer dans son cœur un rayon d'espérance. Pâle crépuscule bientôt éteint dans cette sombre nuit. Fin de la section 20.